Bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, bingle, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, oh. Tu n'es pas censé traîner tard le soir, oh. Tu me laisses, me le laisses, ça me brise le cœur, oh. Ça me brise le cœur, oh. On va balmer ya, Aminga. On va balmer ya, Aminga. Wabalmeya, Amingai.